Exode chapitre 18. Or Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, ayant appris toutes les choses que l'Éternel avait faites à Moïse et à Israël son peuple, savoir comment l'Éternel avait retiré Israël de l'Égypte, prit Séphora, la femme de Moïse, après que Moïse l'eut renvoyée, et les deux fils de cette femme, dont l'un s'appelait Gersom, Pars, avait dit, « J'ai été voyageur dans un pays étranger. » Et l'autre Éliézé, car, avait-il dit, le Dieu de mon père m'a été en aide, et m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro donc, beau-père de Moïse, vint à Moïse, avec ses enfants et sa femme, au désert, où il était campé, en la montagne de Dieu, et il fit dire à Moïse, Jéthro, ton beau-père, vient à toi, et ta femme, et ses deux fils avec elle. Et Moïse sortit au devant de son beau-père, et, s'étant prosterné, le baisa, et ils s'enquirent l'un de l'autre touchant leur prospérité, puis ils entrèrent dans la tente. Et Moïse récita à son beau-père, toutes les choses que l'Éternel avait faites à Pharaon, et aux Égyptiens en faveur d'Israël, et toute la fatigue qu'ils avaient soufferte par le chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. Et Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, parce qu'il les avait délivrés de la main des Égyptiens. Puis Jéthro dit, béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a, dis-je, délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je connais maintenant que l'Éternel est grand par-dessus tous les dieux, car en cela même en quoi ils se sont enorgueillis, il a eu le dessus sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, prit aussi un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Dieu, et Aaron, et tous les anciens d'Israël, vinrent pour manger du pain avec le beau-père de Moïse, en la présence de Dieu. Et il arriva, le lendemain, comme Moïse siégeait pour juger le peuple, et que le peuple se tenait devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir, que le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait au peuple, et il lui dit, « Qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi es-tu assis seul, et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour s'enquérir de Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, et je juge entre l'un et l'autre, et leur fais entendre les ordonnances de Dieu et ses lois. » Mais le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Certainement tu succomberas, toi et ce peuple qui est avec toi, car cela est trop pesant pour toi, tu ne saurais faire cela toi seul. Écoute donc mon conseil, je te conseillerai, et Dieu sera avec toi, sois pour le peuple envers Dieu, et rapporte les causes à Dieu, et instruis-les des ordonnances et des lois, et fais-leur entendre la voie par laquelle ils auront à marcher, et ce qu'ils auront à faire. Et choisis-toi, d'entre tout le peuple, des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes véritables, haïssant le bien des honnêtes, et les établis chefs de milliers, et chefs de centaines, et chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines, et qu'ils jugent le peuple en tout temps, mais qu'ils te rapportent toutes les grandes affaires, et qu'ils jugent toutes les petites causes, ainsi ils te soulageront, et porteront une partie de la charge avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te le commande, tu pourras subsister, et tout le peuple arrivera heureusement en son lieu. » Moïse donc obéit à la parole de son beau-père, et fit tout ce qu'il lui avait dit. Ainsi Moïse choisit de tout Israël des hommes vertueux, et les établit chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines, lesquels devaient juger le peuple en tout temps, mais ils devaient rapporter à Moïse les choses difficiles, et juger de toutes les petites affaires. Puis Moïse laissa partir son beau-père, qui s'en alla en son pays.